Ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Du 11 au 13 août 2017 aura lieu la 16e classique de volleyball de plage Family Prix Jeanne Larouche au site touristique de la Chute à l'Ours à Normandin. En mon nom et celui de mon conseil de ville, j'invite toute la population et les gens de la région à venir en grand nombre encourager nos joueurs de volleyball dans une compétition des plus relevées. Félicitations aux organisateurs et aux joueurs pour ce grand événement sportif qui aura lieu à Normandin. Pour vos différentes pièces automobiles, c'est l'équipe de pièces auto Lavoie Baudry Napa qu'il faut voir. Une équipe chevronnée, d'expérience, avec des prix imbattables. Pièces auto Lavoie Baudry Napa, 890, 3e rue Chibougamau, 418-748-6426. L'équipe de pièces auto Lavoie Baudry Napa de Chibougamau souhaite une bonne saison à tous les golfeurs. Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. C'est la chronique du club de golf de Chibougamau avec Michel Lallemand, commandite évidemment du club de Chibougamau également, Autopièce Autonapa de Chibougamau. Et pour en savoir davantage, on rejoint le directeur général du club de golf de Chibougamau, Michel Lallemand. Salut Michel. Bon matin, Danny. Michel, Pierre-Alexandre Bédard est en tournoi, j'ai vu passer ça. Comment ça se passe? Ben, c'est terminé, ça a terminé hier. OK. Au tournoi au club de golf Cap-Rouge à Québec. OK. C'était un tournoi là, des meilleurs provinciaux professionnels encore. OK. Il avait connu quand même un bon départ. C'était sur 2 jours. Il a joué moins 2 sa première journée. Il était 4e. Hier, il a joué le normal. Il a fini égalité en 9e position. OK. Donc, c'est quand même pas si bien. C'est quand même une bonne première année pour Pierre-Alexandre Bédard. Je te dirais que le dernier, c'est une excellente première année. Ouais. Ça marche haute, hein? Ouais. Il y a beaucoup de bons golfeurs au Québec. Mm. Puis encore plus, mais là, quand il se compare avec le niveau canadien, dans le fond, là, il est sur une bonne séquence. OK, OK. Maintenant, si on parlait du Super Calcutta qui a lieu, je pense que c'était cette semaine. C'est cette semaine, on est en plein dedans. Okay. On a commencé lundi parce que dimanche dernier, il pleuvait puis il faisait froid. Okay. Fait que tout le long de la semaine, on a 80 joueurs en 16 équipes de 5 qui doivent jouer chacun 3 parties de notre roue. Et samedi prochain, le 12, toutes les équipes joueront une dernière ronde pour connaître les grands gagnants du Super Calcutta. OK. Parlons maintenant de la Coupe des Champions. C'était la grande finale qui avait lieu samedi passé. Non, c'était la dernière qualification. Ah, OK, OK, OK. Donc, c'était samedi le 12. La finale va avoir lieu samedi le 26 août. OK. Où les 4 gagnants de chacune des qualifications vont se prendre en finale. OK. Pour cette dernière ronde, dans la classe B, Bernard Lavertu, 81. Okay. En classe BB, Régent Côté, 77. Et en classe A, Marc-Olivier Bougie, 77. OK. Tout ce beau monde va se revoir le 26 pour la finale. OK. Le 26, évidemment, pour la finale. Parlons maintenant des promotions. Est-ce qu'il y a des promotions actuellement au club de golf de Chibougamau? Non, dans le fond, c'est nos spéciaux réguliers. Donc, à partir de 2h l'après-midi, c'est très, très accessible pour toute la population. Okay. À date, la saison se déroule quand même assez bien. Fait que si la température veut collaborer pour le dernier mois et demi on devrait être bien satisfait. OK. Donc, on va surveiller ça de très, très près. Y avait-il des tournois, des golfeurs de Chibougamau qui étaient en action également au cours des derniers jours sur les non, sur le circuit? Non, c'était le calme plomb. Ouais, okay. On avait, excuse Danny, au championnat junior régional, on avait 4 jeunes. OK. Puis, disons que des performances, là, quand même bonnes, parce que ce sont des jeunes qui sont dans leur première année. Fait que, on est quand même très satisfaits. On a un beau noyau qui s'en vient au niveau des jeunes. Ouais. Ils ont beaucoup de filles. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Okay. Donc, on continue à mettre beaucoup d'énergie sur la relève et le développement. OK. Donc, c'est Julien Fillon, entre autres, un gars que je connais. Un gars, évidemment, que tu entends parler. Il raconte trop tôt pour dire s'il peut avoir une belle carrière, mais c'est intéressant pareil. Puis il faut mettre l'accent sur le développement parce que c'est l'avenir, hein? C'est l'avenir. Oui, c'est. Puis quand on regarde au niveau des jeunes, ils ont des parents qui ont toujours été actifs. Voilà. Donc, quand les jeunes s'intéressent au golf, par la bande, on va récupérer les parents. OK. Donc, c'est un double. C'est un double objectif, mais il faut continuer. Chez nous, ça fait 6 ans qu'on a un programme d'initiation à partir des 9-12 ans. Cette année, on avait encore 35 jeunes, 25 qui ont participé à notre tournoi de fin de saison et qui a eu lieu lundi. Mm. Donc, on est dans bonne voie. On continue. On avait tout près d'une vingtaine à notre ligue junior de golf. Donc, une cinquantaine de jeunes. C'est très, très bon pour notre club. OK. Ben, on s'en reparle jeudi prochain. Tout mon plaisir. Voilà, donc c'était la chronique du club de golf de Chibougamau présentée par Autopièce Napa de Chibougamau et le club de golf avec le directeur général du club, Michel Allemand.